Dino S, France Killa, Spidey, double KO mon pote. Si Professeur Protein. 2008 DJ Lacoustique Street Reports. Police en paradoxe, on est là. C'est toute l'équipe. Bye 380 au paradoxe. C'est 47, c'est des haïtiques. T'as un son anti-smith. DJ Lacoustique, la connexion est au bois. 380 paradoxe. Pas un prod, l'équipe. 2008 Street Reports. On est là. Et on y reste, cousin.